Je suis bien rendez-vous, dont vous me fîtes la grâce, les fleurs au garde à vous, et perdu sur la place, je suis bien là, voyez-vous, à l'heure malgré l'interface du GPS hindou, équipant mon monospace, j'ai des pensées pour vous. Cueillie blanche et fraîche en Alsace, et des pensées pour vous, bien plus qu'à moitié salace, j'ai des pensées. Du coup, une jolie petite liasse, j'aime à penser que vous jugerez mon choix sagace, je suis bien au rendez-vous, dont vous me fîtes la grâce, les fleurs au garde à vous. Et perdu sur la place, à quelle heure déjà, disiez-vous, oserais-je avoir l'audace d'estimer que 5 heures ou 6 de retard, c'est pas classe, mais un pressentiment lourd me remonte à la surface. Et si donc c'était chez vous que vous m'attendiez, bien lasse, je m'élance comme un fou, sautez dans mon monospace, vite tapez l'adresse de chez vous. Ah oui, non, putain d'interface, je suis bien au rendez-vous, dont vous me fîtes la grâce, les fleurs au garde à vous, et perdu sur la place, mais c'est bien le genou que violemment je me fracasse dans mon sursaut de courroux. Et surpris par si peu de place, c'est censé être bien foutu, ça vient du CA d'en face, maqué bien plus des Hansé Metcoub, qui disait l'autre jobastre, je désenfiche mon genou de la tige, cette garce qu'un process de design flou a mis là pour l'essuie-glace, je suis bien au rendez-vous, dont vous me fîtes la grâce, les fleurs au garde à vous. Et perdu sur la place, le vent se lève tout à coup, c'est l'affolement sur la place, un mélange de sable et de boue. Ça bat sur mon monospace, et oh, est-il devenu fou, pour nous souffler du mont Atlas, toute la poussière de Cotonou mêlé à l'eau des sargasses. Mais ce n'est pas grave, je m'en fous, j'ai fait hier le plein de lave-glace, je démarre donc tranquillou. Ah oui, non, j'ai plus d'essuie-glace, je suis bien au rendez-vous, dont vous me fîtes la grâce, les fleurs au garde à vous. Et perdu sur la place, c'est pas si loin après tout, 10 ou 20 bornes grand max, en marchant entre les gouttes, ça le fait à l'aise, ça passe 3 heures après devant chez vous. En sueur, couvert de crasse, boitant et trempé de partout, par la pluie censée et par ce aveuglé, par l'amour de cet orage tenace, je ne vois pas un trou. Et métal dans votre impasse, je suis bien au rendez-vous, dont vous me fîtes la grâce, les fleurs au garde à vous. Et perdu sur la place, là, tiens, qui sort de chez vous, Gaspard Alfonso de Saxe, l'œil mielleux et voyou, des tombeurs de chagasse, mais que donc trouvez-vous à sa tronche d'ectoplasme, lui qui me cherche d'époux, sans cesse qui m'agace, il m'ignore d'une moue, et me rend cramoisi fumasse en enjambant devant vous. Mon corps à terre est tout flasque, je suis bien au rendez-vous, dont vous me fîtes la grâce, les fleurs au garde à vous. Et perdu sur la place, me voilà auprès de vous, sous le porche de votre palace, guettant vos premiers mots doux. Réconfortez ma carcasse, mais romaric, que faites-vous? Je vous aime, je vous enlace, bas les pattes, tenez-vous. Bon, allez, maintenant tu te casses, mais pensez au tout à l'égout. je m'éloigne la tête basse, maudissant les geeks hindous et les blonds ariens de Saxe. J'étais pourtant au rendez-vous dont vous me fîtes la grâce, les fleurs au garde à vous. Et perdu sur la place, j'erre dans Paris sans but et sans vous. De Pigalle au Champ de Mars, m'arrêtant dans tous les bouges, les troquets et les rades crasses. Et je finirai donc saoul, éméché et sans grâce, à enchaîner les coups dans un hôtel de passe. Oui, je finirai donc saoul, éméché et sans grâce, à enchaîner les coups dans un bordel de la place.